génocide ni au Mungere. Audrey Ndaikeza sur la mise en onde. Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Bienvenue à cette édition de la soirée dont voici les principaux titres. L'Assemblée nationale a clôturé la session d'août. 10 projets de loi ont été analysés et adoptés. Dans son allocution, le président de cette institution s'est exprimé également sur l'issue de la 5e session du dialogue inter-Burundi externe, regrettant que la facilitation n'ait pas tenu en considération les préoccupations du gouvernement. Vous l'entendrez dans ce journal. Et un délai d'un mois vient d'être accordé aux mécaniciens du quartier Bouyenza, mairie de Bujumbura, pour dégager les caracas du riz de ce quartier. Vous entendrez dans ce journal le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mboni Maya Kamenge. Des cas des commerçants craignent d'attraper des maladies de mains sales suite aux déchets provenant de ce marché. J'étais tout près du de leur restant. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page justice pour débuter ce journal. Une peine carcérale de 20 ans de prison, une indemnisation de 10 millions de francs et une amende de 100 000. Tel est le jugement rendu dans le cas de l'infraction par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Gitega contre un enseignant accusé d'avoir puni son élève qui a fini par mourir. Le défunt, qui étudia l'école fondamentale de Bihanga en commune et province Gitega, est décédé le 24 octobre. Le point avec Gérard Nibigila depuis Gitega. C'est vers 13h de ce mercredi que la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Gitega s'est penchée sur un procès en flagrance relatif à un enseignant accusé d'avoir frappé son élève et qui a fini par succomber des coups qu'il a subis. Ainsi donc, le tribunal a infligé à cet enseignant une peine carcérale de 20 ans de prison, une indemnisation d'1 million de francs et une amende de 100 000 francs. Le ministère public accuse cet enseignant, Mathieu Mbarushimana, de punir abusivement l'élève Wigirimana Cédric en le frappant à l'aide d'un bâton et des coups de pied qui ont occasionné une fracture de l'os du bassin gauche en date du 17 de ce mois. Pour le ministère public, c'est cette fracture qui a été à l'origine de la mort de cet ex-écolier de la 5e année à l'école fondamentale de Bihanga en commune et province de Gitega. Cependant, cet enseignant, appuyé par son avocat, fait savoir qu'il a puni l'enfant en le frappant légèrement à l'aide d'un petit bateau, mais que cette fracture ne résultait pas de la punition qu'il a infligée à l'enfant. Il ajoute que le rapport médical montre qu'à l'entrée de l'hôpital, l'enfant avait le paludisme, l'asthme et la fracture. C'est ainsi donc que la défense entreprend et interjette appel du moment que le tribunal n'a pas été en mesure de montrer la part du paludisme, de l'asthme et de la fracture dans le décès de la victime. Toutefois, le père du défunt, lui, laisse entendre qu'il ne comptait pas interjeter appel, regrettant plutôt la disparition de son fils qu'il ne verra plus jamais. Il demande que le jugement rendu soit exécuté comme tel. Depuis Gitega, Jean-Yves Dira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. De la justice à la politique, des lois ont été analysées et adoptées par l'Assemblée nationale lors de la session d'août. Cela a été dit ce mercredi par le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, lors de la clôture de cette session. Selon Pascal Nyabenda, parmi ces 10 lois figure la loi portant construction de la route Rumonge-Nyanzalake, la loi portant sur le marché des capitaux et celle portant création, mandat et organisation et fonctionnement de la commission Vérité et Réconciliation. On l'écoute. Durant la session du mois d'août 2018, les projets de loi suivants ont été analysés et adopté. 1. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord de prêt numéro 989 entre la République du Burundi et le Fonds cohésien pour le développement économique arabe relatif au financement du projet de construction de la route nationale numéro 3 Bujumbura-Rumonge, tronçon Rumonge-Nyanzalake. 2. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord de prêt numéro 11/721 entre la République du Burundi et le Fonds saoudien de développement, FSD en sigle, relatif au projet d'aménagement et de bitumage de la route nationale numéro 16, Bururi Gitega, phase 1, Bururi Gakuba. 3. Projet de loi relatif à la stabilisation permanente et à l'interdiction de la divagation des animaux domestiques et de la basse-cour au Burundi. 4. Projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord de don au numéro D-276-BI entre la République du Burundi et l'Association internationale de développement, IDA en sigle, en faveur du projet pour la restauration et la résilience du paysage. 5. Projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord de don numéro 3200-BI entre la République du Burundi et l'Association internationale de développement, IDA en sigle, relatif au financement du projet d'amélioration des apprentissages en débit de scolarité. 6. Le projet de loi portant adhésion par la République du Burundi à la Convention de 1954 relative au statut d'apatride. 7. Le projet de loi portant adhésion par la République du Burundi à la Convention de 1961 relative à la réduction des cas d'apatridie. 8. Projet de loi régissant le marché des capitaux au Burundi. 9. Projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord de prêt numéro 13-324-P entre la République du Burundi et le Fonds de l'OPEP pour le développement international relatif au projet de construction de la route nationale numéro 3 Bujumbura-Nyanza-Lac, tronçon Lomongue-Nyanza-Lac, signé à Vienne le 27 août 2018. Et enfin, le projet de loi portant modification de la loi numéro 1/18 du 15 mai 2014 portant création, mandat, organisation et fonctionnement de la Commission Vérité et Réconciliation. Et le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, déplore également la tenue du cinquième round à Arusha, l'absence du gouvernement, car, dit-il, la facilitation aurait dû tenir compte des préoccupations du gouvernement burundais. Encore une fois, le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda. S'agissant du cinquième round du dialogue inter-burundais qui a eu lieu à Arusha, en Tanzanie, l'Assemblée nationale déplore la tenue de ce dernier sans la participation du gouvernement du Burundi. La facilitation de la communauté est-africaine est assez ancienne. Une communauté dont le Burundi est un des États partenaires devrait s'entendre avec le gouvernement du Burundi et tenir en compte surtout de ses propositions. C'était le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda. Et la loi portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre a apporté une plus-value en ce qui concerne la lutte contre les violences basées sur le genre. Ceci a été dit par Leonidas Nima, conseiller au ministère de la Justice, dans un atelier média ce mercredi. Il explique qu'actuellement, les procès liés aux violences sexuellement et basées sur le genre ne traînent plus qu'avant la mise en place d'une loi spécifique relative à ce genre d'infraction. Je prie de le suivre. La loi sur la protection des victimes et des témoins sur les violences basées sur le genre est venue pour frapper rigoureusement les phénomènes de violences basées sur le genre au Burundi. Surtout, le gouvernement du Burundi a voulu mettre en place un instrument juridique unique au lieu d'utiliser des textes de loi disparates et éparpillés ici et là. Ce qui mettait mal à l'aise les magistrats, surtout dans l'application. Le gouvernement du Burundi a voulu codifier et mettre ensemble toutes les dispositions qui interviennent dans le domaine de la lutte contre les violences basées sur le genre, les mettre dans un même instrument juridique, une même loi. Mais cela n'empêche pas que les autres dispositions contenues dans les autres instruments juridiques et en rapport avec la répression des violences basées sur le genre soient aussi prises en considération. Parce que quelque part, vous allez trouver que certaines dispositions de cette loi spécifique renvoient surtout au code pénal lorsqu'il s'agit de réprimer certains aspects des phénomènes de violence basée sur le genre. Les améliorations sont vraiment très observables, c'est très remarquable. La première chose, c'est que la question de violence basée sur le genre n'est plus tabou dans la société burundaise. Les victimes de ces infractions n'ont pas peur à dénoncer les bourreaux. Ils n'ont pas peur à saisir les juridictions, le système judiciaire pour le jugement Donc, je dirais que c'est vraiment une avancée. Une autre chose, c'est que la mise en place des chambres spécialisées et des sections spécialisées a beaucoup contribué à la célérité des procédures judiciaires dans le domaine des violences basées sur le genre. Maintenant, je pourrais dire que lorsqu'un cas arrive au tribunal, en tout cas, un mois suffit pour que la procédure soit achevée. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Parlons de l'économie. Le Burundi fait face à une faible inclusion financière d'au moins de 30%. Ceci a été dit ce mercredi par le président du conseil d'administration du réseau des institutions de microfinance RIM à cette date du 31 octobre, journée internationale de l'épargne. Bernard Kenyatta invite tous les intervenants à tout faire pour que ce taux d'inclusion financière augmente et désillusionne les Burundais qui n'épargnent pas avec le prétexte que leur revenu est suffisant. Le point avec Évariste Ndikobanya. Personne ne peut faire prétexte d'un petit revenu pour dire qu'il n'a rien à déposer sur un compte courant ou épargne dans une banque ou microfinance. Au sein du réseau des institutions de microfinance, Bernard Kenyatta, président du conseil d'administration du RIM, fait un clin d'œil à ceux-là qui ont le revenu qu'il juge insuffisant. Quel que soit le niveau de revenu, il est toujours possible d'épargner. Pourquoi il est toujours possible d'épargner? C'est une question de réalisme. Parce que même si vous avez un revenu réduit, si vous avez un faible revenu, cela ne va pas empêcher que vous ayez le besoin de scolariser votre enfant. Cela ne va pas empêcher le besoin de faire soigner votre enfant s'il est malade. Cela ne va pas vous exonérer le fait de faire soigner un membre de la famille qui est malade et qui a besoin des soins. Et nous avons vu au niveau de l'introduction que la meilleure façon de financer les événements imprévus comme la maladie, c'est la constitution de l'épargne. Tenez, si vous avez gagné 1000 francs par exemple, et compte tenu de la nécessité de faire face aux besoins imprévisibles, de faire face aux besoins de l'avenir, sur 1000 que vous avez gagné, vous pouvez décider de mettre au niveau de l'épargne 100 francs. J'ai gagné 1000 francs, j'épargne 100 francs, je dépense 900. Le mois suivant, je fais la même chose. Le mois qui suit, je fais la même chose. Et au bout d'une certaine période, le petit montant que vous avez épargné vous permet de satisfaire un besoin non négligeable. Le réseau RIM demande le rôle de tout un chacun dans la sensibilisation des Burundais afin que le taux d'inclusion financière augmente dans le pays. Selon Bernard Kenyatta, le gouvernement devrait revoir à la baisse l'impôt sur l'épargne, même si le trésor public en a besoin. Il est peut-être possible de diminuer l'imposition des intérêts d'épargne du public pour voir les possibilités de financer le manque à gagner via d'autres sources de financement du budget de l'État, étant donné que l'effet peut produire probablement des effets beaucoup plus importants que cette imposition que l'on peut avoir. Donc, la question peut être analysée au niveau du gouvernement et décidée si on se rend compte finalement que promouvoir l'épargne vaut mieux que le maintien du niveau actuel d'imposition de l'épargne. Les Burundais qui ont des comptes dans des banques et microfinances sont chiffrés à moins de 30%, un petit pourcentage selon RIM par rapport à la croissance des banques qui sont actuellement à plus de 10 et une vingtaine de microfinances. Merci Évariste de l'économie. À l'assainissement, certains commerçants de farine et aliments avec quand même le manioc au marché de Kamenge courent le risque d'attraper des maladies de main sale. Suite aux déchets provenant de ce marché, j'étais tout près de leur stand. Le commissaire du dit marché reconnaît être au courant de cette situation et propose comme solution l'enlèvement quotidien de ces déchets. Le point avec Charles Makoto qui s'est rendu au marché de Kamenge. Arrivé dans cette partie du marché où est vendu différentes sortes de vivres, dans le coin situé près du canal Nyabagere, une odeur nauséabonde se dégage des mouches et des asticots. Puis un peu partout. À notre arrivée, des individus venaient de réduire la quantité de ces débris à cet endroit. Ce vendeur dit que ces saletés font fuir leurs clients. Le client ne veut pas oser venir ici, vu l'état de saleté, en plus d'une odeur désagréable. S'il vient, il est accueilli par des mouches. Point de vue partagé avec cette vendeuse qui craignent des maladies d'eau mais sales. Vraiment, ça pue. Et l'autre est sale, coule à la vitesse des déchets, des toilettes et des asticots, sillonne ici et là. Nous craignons d'attraper des maladies comme choléra. Le repas est pris ici, là où nous étalons nos marchandises. À côté, un dépotoir qui avait été aménagé pour servir de dépôt de ces saletés a été transformé en stock. Des sacs de pommes de terre, des régimes de bananes entiers y sont stockés. Tuisabe Jackson, commissaire du marché de Kamenge, dit comprendre les préoccupations de ces marchands. Il indique qu'avant, ces saletés étaient jetées dans la parcelle qui appartenait au parti Iprona, mais que cette dernière a été clôturée. À propos du lieu qui avait été aménagé pour servir de dépotoir à l'intérieur du marché, le commissaire dit que cette place est trop exiguë pour contenir les déchets en provenance de ce marché, vu sa grandeur, mais également qu'il a été octroyé avant que la gestion du marché revienne dans les mains de l'État. Selon lui, la solution durable proviendrait dans l'évacuation quotidienne de ces déchets et déplore cependant le fait que celui qui avait gagné le marché d'évacuer ces déchets passe plus d'un mois sans faire ce travail. Charles Makote, toute la population est appelée à faire sienne la question de salubrité chez soi et dans l'entourage. L'appel est du secrétaire général permanent au ministère des Travaux publics au moment où a été clôturé le mois dédié aux journées mondiales de l'habitat et de la propriété dans les villes. Ingénieur Régis Denis Jimbéré a indiqué que ce ministère compte coopérer avec les autres services concernés par la question pour lutter contre l'insalubrité qui se manifeste dans divers endroits de la ville de Bujumbura. Son ministère ainsi que la mairie de Bujumbura avaient organisé des actes de travaux d'enlèvement des immondices à la 6e avenue de la zone Bouyenzi. Suivez le secrétaire permanent au ministère des Travaux publics, Egide Nijimbede. Nous sommes ici dans l'optique de finaliser le mois qui a été dédié à la journée mondiale de l'habitat et de la propriété dans les villes. Nous sommes ici pour donner un mot d'ordre que nous venons d'amorcer. La campagne de lutter contre la salubrité dans les villes. Donc ici, nous sommes ici pour donner un mot d'ordre afin de commencer cette campagne pour tous les échelons et toutes les couches de la nation. On a fait ces activités dans presque toutes les villes qui sont dans l'intérieur du pays, à Gitega, à Ngozi, à Rumonge. Et on envisage de faire même dans des centres périurbains qui sont encore trop petites pour que ce soit une sensibilisation globale de tout le monde. Bien que vous avez organisé cette activité ici au centre-ville de Bujumbura, dans les quartiers, il s'observe des tas d'immondices. Qu'est-ce que vous allez poursuivre dans ce cadre de plaider pour une ville propre? Exactement, on remarque qu'il y a des tas d'immondices. Donc il faut d'abord éduquer la population, sensibiliser la population, apprendre en main que c'est la propriété et de les responsabilités. On a des campagnes de sensibilisation. On va aussi coopérer avec toutes les institutions en charge de la propriété dans la ville, afin de voir les modalités pratiques pour pouvoir éradiquer cet immondice dans les zones. Comment ça va se faire alors que certaines associations œuvrant dans ce domaine ne sont plus actives? Pour ces associations, on va essayer de faire une table ronde. On va leur demander une réunion pour qu'ils puissent évoquer les difficultés afin qu'on puisse y intervenir dans le but d'avoir un équipement suffisant pour faire acte à ce projet que nous avons envisagé. Il y a les services techniques municipaux qui toujours crient au manque de kits pour la salubrité dans la ville. Qu'est-ce que vous allez faire là? Je pense que nous serons en communication avec les services habilités et aussi avec les gestions supérieures pour en fait trouver une solution à ce défi. C'était Jideni Jimbede, secrétaire permanent au ministère des Travaux publics, au micro de notre confrère Aubin Niyonguru. Les mécaniciens de Bouyenzi doivent évacuer les épaves se trouvant dans les rues de cette zone dans un délai ne dépassant pas un mois. Cela a été dit par le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Monimasso, mercredi lors d'une réunion de sécurité. Et quant aux propriétaires de véhicules, ces derniers sont appelés à les garer à l'intérieur de leur parcelle. Suivez le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Monimasso. En conclusion, nous avons demandé tout un chacun de s'atteler à ses tâches pour pouvoir être à la fin de l'année en mesure de pouvoir contrôler la sécurité en totalité. Nous avons même pris des décisions où nous avons exigé que dans un mois, tous les épaves des véhicules qui se trouvent dans la zone de Bouyenzi doivent être évacuées. À défaut de cela, ils devront payer les amendes. Et nous avons aussi demandé qu'à partir de 17h, les véhicules qui sont dans la zone Bouyenzi pour des réparations à 17h devraient être rentrés pour permettre que s'il y a une intervention, la police puisse avoir accès facilement. En conclusion, nous nous sommes donné également 60 jours pour que ces boissons prohibées soient détruites définitivement. Donc nous allons nous revoir au début de l'année pour voir si toutes les décisions prises ont été respectées afin d'entrer en 2019 tout en sachant que tout est en ordre. C'était Freddy Monima, le maire de la ville de Bujumbura. C'est la fin de ce journal. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle que l'Assemblée nationale a clôturé la session d'août sommet crédit. 10 projets de loi ont été analysés et adoptés. Et dans son allocution, le président de cette institution s'est exprimé sur l'issue de la 5e session du dialogue interburundais externe en regrettant que la facilitation n'ait pas tenu en considération les préoccupations du gouvernement. Et vous venez de l'entendre, un délai d'un mois vient d'être accordé aux mécaniciens du quartier de Bouyenzi pour dégager des caracas et des rues de ce quartier. Un ultimatum qui vient d'être donné par le maire de la ville de Bujumbura. Et à Kamenge, des commerçants craignaient d'attraper des maladies de mer sale suite aux déchets provenant de son marché jeté tout près de leur stand. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Audrey Nendaïkeza et l'assurer la mise en onde. À la présentation, vous étiez avec Placide Niamungel. Bonne soirée à tous. Au revoir.